peux envoyer ton équipe. On n'a pas peur. Tu peux avoir du liquide. On n'a pas peur. Tu peux faire des menaces. On n'a pas peur. Même des trucs dégueulasses. On n'a pas peur. On dit rien, on vous laisse, mais on n'a pas peur. Vous passez dans la zone. On n'a pas peur. C'est ce qui se raconte. On n'a pas peur. On est là, on est là. On n'a pas peur. Et ouais, je fais mes bails. Je suis die. Je regarde autour de moi comme ta folle qui taille. C'est pas des fonds du mal, bah ouais, faut qu'il peine. Genre, faut choisir un camp et ça fait mal comme un pote qui se taille. Je les vois se critiquer, je les vois se niquer. Ils s'en prennent un des faibles, ils aiment le revendiquer. Cerveau niqué, j'essaie de m'appliquer. J'suis trop la haine, j'sais quelle mouche m'a piqué. Ils veulent me prendre ce qu'on m'a donné. Ils pourront pas me le voler. Plein de blabla, plein de promesses. Part du gâteau empoisonné. Franchement désolé, je me lâche, ça vient du fond du cœur, bâtard. Je fais que picoler, je suis tous les jours de mauvaise humeur. Le cafard, malheur, ils aimeraient me voir souffrir seul dans le désert avec la chaleur. Ils font style qu'ils ont un grand cœur, t'es leur frère et qu'ils ont de la valeur. Tous la famille ont dit que la tienne, je veux pisser mais eux ils me la tiennent. Vous me dégoûtez comme cette vie tient, à cause de vous faut se trimballer avec le machin. Eh oh les gars, on va pas se cacher, je vais pas dire non, je vais pas te clasher. À vrai dire, j'suis même pas fâché. J'vous oublie vite quand j'bois mon flash. J'veux voir en rose, mais ils veulent tout tacher. Tu donnes le bras, ils veulent tout ta chair. J'fais comment quand t'es recherché et que les gens des alentours s'achètent. Alors j'vous explique, aucune confiance. Même si c'est ton ami d'enfance. J'fais pas confiance aux gens qui se collent. Encore moins à ton voisin d'en face. J't'explique, ça se réunit. T'as un contrat sur ta tête, c'est fini. Motocalage bien muni. Les ennemis des ennemis s'unissent. Ouais, ouais, c'est chaud, mais c'est ça, c'est la vie. Si t'es mon frère, t'es là pour la vie, mon cul. Moi tu veux mon avis, trop d'hypocrites et de propos racistes. Ouais j'en ai marre, tous les jours je suis vénère. Là je dois me lâcher, c'est aujourd'hui, c'est l'heure. Moi je vois assez large pour tout niquer des nerfs. Allez comme t'es ce que je puisse niquer des mères. Ils ont tellement pas les couilles de faire les choses en face qu'ils parlent sur le net. Moi je reste le même avec mon survêt. Ils veulent le mettre, mon cerveau surveille. Tu peux envoyer ton équipe, on n'a pas peur. Tu peux avoir du liquide, on n'a pas peur. Tu peux faire des menaces, on n'a pas peur. Même des trucs dégueulasses, on n'a pas peur. On dit rien, on vous laisse, mais on n'a pas peur. Vous passez dans la zone, on n'a pas peur. C'est ce qui se raconte, on n'a pas peur. On est là, on est là, on n'a pas peur. Tu peux envoyer ton équipe, on n'a pas peur. Tu peux avoir du liquide, on n'a pas peur. Tu peux faire des menaces, on n'a pas peur. Même des trucs dégueulasses, on n'a pas peur. On dit rien, on vous laisse, mais on n'a pas peur. Vous passez dans la zone, on n'a pas peur. C'est ce qui se raconte, on n'a pas peur. On est là, on est là, on n'a pas peur. Tu peux envoyer ton équipe. Tu peux avoir du liquide. Tu peux faire des menaces. Même des trucs dégueulasses. On dit rien, on vous laisse, mais vous passez dans la zone. On sait ce qui se raconte. On est là, on est là. On n'a pas peur. On n'a pas peur. On n'a pas peur. On n'a pas peur. On n'a pas peur. On n'a pas peur. On n'a pas peur. On n'a pas peur. On n'a pas peur.